de ma life. Normal, ça tire la pie, mais faut pas pointer de knife. Je retourne à la pharmacie, j'espère qu'ils ont chargé le price. Fais tourner la toupie, je repars pour quelques miles. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. J'aimerais voir la vie en rose, y'a jamais de belles couleurs. Je suis ma propre symbiote, je vais faire un best-seller. Pour moi c'est une bonne chose que la vie porte parfois malheur. Faut qu'on connaisse tous notre dose pour qu'on porte fier le bonheur. Je fais trop les 100 pas mais je parcourais le Canada. Toi tu trouves j'ai l'air sympa en me regardant tu m'oublies pas. Moi je dis fuck la job, juste de la musique pis des live tweets. J'ai mon album, j'en ai rosé que n'ai rien à foutre vos airs de bitch. Moi pour déjeuner c'est jambon bacon Reese's Pieces. J'pense pas que tu peux dire que je donne juste des mauvais speeches. Rends ça dans ton compte comme on dit aux enfants. Je veux pas suivre la tendance qu'on me l'oblige de maintenant, hein. J'ai fait une thérapie tout le long de ma life. Normal ça tire la pie, mais faut pas pointer de knife. Je retourne à la pharmacie, j'espère qu'ils ont chargé le price. Fais tourner la toupie, je repars pour quelques miles. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah. Quelques miles, hein, quelques miles, yeah.